Classic Live from the Alsace, nous sommes le dimanche 20 septembre 2009, dernier jour de l'été. Et donc, il est 17h02 heure française, 15h02 en temps universel. Et donc, comme son nom l'indique, ce programme d'aujourd'hui sera consacré à la musique classique. Et donc, on va passer directement d'ailleurs au programme qui est prévu. Enfin, peut-être juste que je trouve le... Que je retrouve le sujet relatif à cette émission, il est là, voilà. Donc je pourrais poster les liens et toutes les informations qui concernent les morceaux qui vont être passés. Et puis on a du 78 tours qui gratte aujourd'hui de nouveau, encore une fois du 78 tours qui gratte avec le tri du diable de Giuseppe Tartini. Alors Tartini, qu'est-ce qu'ils en disent? Tartini, alors le temps que cela s'affiche, c'est un violoniste et compositeur italien qui est né le 8 avril 1692 à Pirano, donc actuellement en Slovénie, et qui est mort le 26 février 1777 à Padoue. Or au départ, sa famille voulait qu'il soit ecclésiastique, et donc il a été inscrit en 1709 comme étudiant en droit à l'université de Padoue. Et en 1910, il s'est marié, ce qui n'a pas plu à l'église d'ailleurs, donc il a dû se réfugier dans un couvent d'Assise. Et donc c'est là qu'il a reçu une instruction musicale du tchèque Bouslav Tchernohorsky. À partir de 1714, il était musicien d'orchestre et il exerçait son activité à Assise et Ancône. Et donc il s'est vu confier la direction de l'orchestre de la basilique Saint-Antoine de Padoue, ce qui lui a permis d'effectuer plusieurs voyages. Donc par exemple à Prague, où il a eu l'occasion d'assister au couronnement de Charles VI. Et donc il a fondé une école de musique réputée une fois qu'il a été de retour à Padoue pour attirer les musiciens venus de toute l'Europe. Donc notamment, un de ses élèves a été Pietro Nardini. Voilà un petit peu. Son œuvre, il a quand même assez prolifique. 130 concertos de violon, 150 sonates pour le violon, 50 sonates en trio, l'arte dell'arco, donc l'art de l'archet, et puis un nombre de compositions religieuses et vocales qu'on n'a pas pu encore déterminer. Probablement, il y a des choses qui n'étaient pas signées, ou alors aussi des choses qui lui étaient attribuées à tort. Ça n'est pas impossible non plus. À l'époque, le droit d'auteur, c'était pas encore tout à fait comme maintenant, où chaque chose est attribuée précisément à telle personne. Et alors, bon, ça c'est pour ce qui est, donc tartini, ça ce qui est pour de la. Ça ce qui concerne donc le compositeur. Et il y a également l'interprète Franz von Vexé, qui est donc un violoniste hongrois et compositeur, né le 23 mars 1893 et mort le 5 avril 1935, et qui a aussi pas mal de. Qui a donc été compositeur aussi et qui a été assez prolifique également. Et donc c'est le Tri du Diable de Tartini qu'il va nous interpréter maintenant. C'est un enregistrement que vous pouvez trouver d'ailleurs sur archive.org si vous voulez en avoir un exemplaire. Donc il vous suffira de suivre le lien qui est. Soit vous avez téléchargé l'émission dans un point zip par BitTorrent ou par Emule. Dans ce cas, il y a une page HTML qui est jointe, c'est là-dedans que vous le trouvez. Ou bien alors, vous l'avez téléchargé depuis l'Archives Dogmasic. Donc là, il faut aller chercher sur le forum le sujet relatif à l'émission, le forum de Dogmasic. Ou bien alors, c'est sur archive.org que vous avez téléchargé l'émission. Ben là, pareil, sur la page, il y a une page HTML en plus, où vous n'aurez qu'à suivre le lien. Donc, ce Tri du Diable de Giuseppe Tartini par Franz von Vexé qui débute ce classique live from the Alsace d'aujourd'hui. Cet enregistrement sonore, enfin, c'était pas l'émission en elle-même, mais le Tri du Diable, lui, est dans le domaine public. Thank you. dans le domaine public, ce qui veut dire qu'on a le droit de sampler, donc sans retenue, quoi que l'on fasse, et republier le résultat sous la licence de son choix, ce qui est quand même bien pratique, un droit dont on espère qu'il va rester, étant le droit du public et des auteurs est malmené au profit d'autres catégories. On va revenir un peu à la tradition et puis on va essayer de un petit rattrapage hein, du pataquès, enfin du raté là, faute de courant électrique, j'avais pas pu continuer l'émission, donc on va refaire une tentative de faire passer donc un petit peu de choses parlées également de la compagnie de théâtre Poussière d'Histoire. C'est Véronique Pedrero avec ce que j'avais voulu faire passer la dernière fois, c'est-à-dire Jean des Pierres. Véronique Pedrero donc, qui a son site internet sur Free, donc là pareil, hein, c'est au même endroit que vous avez tous les liens. Et donc qui a également donc, le site de la compagnie théâtre qui s'appelle Poussière d'Histoire, sur laquelle on a également éventuellement un planning. Samedi 19 septembre, c'était hier, c'est passé, mais vendredi 2 octobre à 20h à l'Antigone de Grenoble, il y a un spectacle intitulé Femmes avec un S entre parenthèses pour le pluriel. L'Antigone, c'est à la rue des Violettes, et donc vous pouvez contacter le 06 86 32 26 58 ou bien le 04 76 99 93 23 ou bien alors aller encore sur le site www.bibliothèqueantigone.org. Et puis également, le festival Tête en l'air, ça s'est déjà passé. C'est à Grenoble qu'on pourra l'écouter en vrai pour la prochaine fois. Et là maintenant, c'est donc le conte qu'elle va nous raconter, Jean des Pierres, qui a été enregistré, en tout cas publié, cette année, en 2009. Et qui est sous licence art libre. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. À la pêche aux coquilles, ding dong dong, fallira la lyre. À la pêche aux coquilles, ding dong dong, fallira la lyre. Jean, il avait toujours été pareil, depuis qu'il était tout petit. Jean, c'était pas le même que les autres enfants du village, non. Tout petit déjà. Dès qu'il avait su marcher, c'était sur la plage qu'il était allé. Dès qu'il avait su marcher, c'était dans le sable qu'il s'était enfoncé. Toujours de la même façon, il faisait un grand trou dans le sable de la plage. Il se mettait dedans. Il se recouvrait, il fermait les yeux et il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait, Jean ? Le vent. Qu'est-ce qu'il attendait, Jean ? Le cri des mouettes. Qu'est-ce qu'il attendait, Jean ? Peut-être des histoires qui venaient du bout du monde, qui rentraient dans son oreille, comme ça. Il était tellement différent, Jean. Même sa mère, elle avait du mal à le comprendre. Elle lui disait, Jean, va jouer avec les autres enfants, mais Jean, non, il préférait rester tout seul. Lui se mettait là, face à l'océan. Il regardait loin, droit devant. Tout petit déjà, et maintenant grand. Il regardait les arbres qui étaient penchés du côté de la terre. Il regardait les pierres. Et un jour, Jean, il a construit son premier mur. Un mur, il disait, pour arrêter le vent. Il disait un mur pour protéger les récoltes, un mur pour qu'on puisse planter dans ce pays-là, dans ce pays de vent, de souffle, de pierre, de sable, où il n'y avait rien d'autre que des histoires, qui étaient granuleuses, comme les pierres. Son premier mur, Jean, il a dit qu'il entendait les pierres qui chantaient. Il fallait faire silence, parce que chaque pierre, il disait qu'elle avait sa place, pas une autre place. Et lorsqu'il n'était pas tout à fait sûr, Jean, il restait là longtemps. Des fois, il lui fallait recommencer. Ces murs qu'il avait construits, Jean, de ses mains d'enfant, maintenant avec ses mains d'homme, on lui demandait d'en construire plus loin ailleurs. Jean, maintenant, il prenait un petit baluchon sur son épaule et il allait à l'autre bout du pays. Il avait une réputation, Jean, c'était le vent qui l'avait amené. Des paroles rien qu'à lui, qui avaient été portées sur son dos à lui, sur son dos au vent. Jean, il en a fabriqué des murs. Jean, il en a érigé des murs là contre le vent, contre la mer, contre les éléments. Et chaque fois, ces murs étaient si solides qu'ils pouvaient traverser le temps. Jean, on l'avait surnommé Jean des pierres. Et puis le temps, il a passé. Sa réputation a grandi. Jean a voyagé loin, aux quatre coins du pays. Le temps, il a passé et Jean, il a vieilli. Et aujourd'hui, Jean, il est devant un mur et il écoute, comme longtemps il l'a fait, le chant des pierres seulement. Il y a quelque chose qui va pas. Ça doit être à cause de son oreille à lui, peut-être qu'elle est devenue vieille, fatiguée, usée. Il a beau tendre le regard, Jean. Il y a quelque chose qui va pas. Cette pierre-là, elle n'est pas à sa juste place. Il fait, redéfait, commence et recommence encore et encore, patiemment. Et le soir venu, il regagne sa maison. Jean, il n'était pas seul comme enfant dans la famille, non, il avait une sœur. Elle s'appelait Marie. Et Marie, parce que Jean, il n'était pas comme les autres. Elle n'était pas partie ailleurs, non, elle était restée à côté de lui. Ce soir-là, Jean, il a à peine touché sa soupe. Ouais. Ce soir-là, Jean, il est très vite allé se coucher. Et Marie, tout doucement, la porte, elle a fermé. Et la nuit, elle s'est passée. Le lendemain matin, quand Marie se réveille, elle va qu'à ses différentes occupations. Elle fait le feu, prépare ce qu'il y a pour manger. Et puis, elle appelle Jean. Mais Jean, il est un peu dur d'oreille, il l'entend pas. Elle cherche Jean, pousse la porte de la chambre, il n'y a personne, le lit est parfaitement tiré. Comme si Jean, déjà depuis longtemps, s'était réveillé, sans faire de bruit, sans la déranger. Elle fait le tour de la maison, l'appelle encore, parle plus fort, mais Jean ne répond pas, il y a juste le vent, c'est tout, le vent des pierres. Elle va à l'autre bout du village, il n'y a personne qui est levé, sauf ce vieux-là. Un vieil ami à eux. Elle dit, t'aurais pas vu Jean par hasard? Jean? Si. Je l'ai vu hier au soir, sous la lune marcher. Il allait en direction de la plage. En direction de la plage, elle dit, Marie. Elle relève ses cotillons, elle relève ses jupons. Et vieille qu'elle est devenue, à petits pas serrés à l'avance. Elle quitte le village, le laisse derrière son dos, va jusqu'à la plage, scrute l'horizon, cherche loin. Et puis là-bas, il y a ce mur que Jean... Oui, ce mur auprès duquel Jean était encore hier au soir. À petits pas serrés, à petits pas comptés, Marie s'en approche. Le mur s'est écroulé. Toutes les pierres sont éparpillées. Au milieu de ce cercle de pierre, il y a Jean, allongé, les yeux grands ouverts. Dans sa main placée à côté de son cœur, une pierre, celle que Jean a entendue crier. Celle-ci ne chantait pas, juste elle se plaignait, juste elle l'appelait. Et Jean, il le savait. Sur sa bouche, sur ses lèvres, un sourire, une paix. Jean, tu n'étais que Jean des pierres. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. À la pêche aux coquilles, ding-dong-dong, fallira la lyre. À la pêche aux coquilles, ding-dong-dong, fallira la lyre. Elle en a déjà pêché trois, elle en a déjà pêché trois. Elle en a déjà pêché trois, elle en a déjà pêché trois. Aperçois un navire, ding-ding-dong-dong, fallira la lyre. Aperçois un navire, ding-ding-dong-dong, fallira la lyre. Arrive, arrive, beau bâtiment. Arrive, arrive, beau bâtiment. Arrive, arrive, beau bâtiment. Arrive, arrive, beau bâtiment. Je te souhaite bonne arrive, ding-ding-dong-dong, fallira la lyre. Je te souhaite bonne arrive, ding-ding-dong-dong, fallira la lyre. Si mon amant il est dedans, si mon amant il est dedans. Si mon amant il est dedans, si mon amant il est dedans. Encore meilleur arrive, ding dong dong, fallira la lyre. Encore meilleur arrive, ding dong dong, fallira la lyre. Belle ton amant n'est pas dedans, belle ton amant n'est pas dedans. Belle ton amant n'est pas dedans, belle ton amant n'est pas dedans. Il est mort dans ses îles, ding-dong-dong, fallira la lyre. Il est mort dans ses îles, ding-dong-dong, fallira la lyre. Grand Dieu, si mon amant est mort, grand Dieu, si mon amant est mort. Grand Dieu, si mon amant est mort, grand Dieu, si mon amant est mort. Je resterai toujours fille, ding-dong-dong, fallira la lyre. Je resterai toujours fille, ding-dong-dong, fallira la lyre. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer. À l'instant, c'était Véronique Pedrero et son conte Jean des Pierres. On retourne tout de suite à la musique classique, sans plus attendre, avec de nouveau du Tchaïkovski. On avait déjà fait passer Casse-Noisette. Là, ça va être une romance. Ça sera beaucoup plus court. Et c'est joué par Vasa Prioda. Alors, Vasa Prioda, qui est un violoniste. Né le 22 août 1900 et mort le 26 juillet 1960. Et donc, c'est complètement en allemand. Alors, on va peut-être essayer de donc, copier Gogol, outils linguistiques, traduire la page suivante. Hop, je fais ça en direct à partir de l'allemand. Ça sera vers le français, ça sera peut-être plus facile à lire que le Schneegelepré. Donc son père Prioda a fondé l'école de violon et de musique en 1896 et a été le. Oula, c'est un peu n'importe quoi les phrases. Donc il a enseigné à ses fils jusqu'en 1910. Et ensuite, Vasa Prioda est allé au conservatoire de Prague où il a été, enseigné par Marac. Il a été en 1912, Il a eu sa première apparition publique et elle a joué le concert en ré majeur de Mozart et des pièces pour Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich. En 1913, Vasa Prioda jouait pour la première fois au Mozarteum de Prague et le programme comprenait du Ludwig van Beethoven, la sonate d'automne, la sonate de printemps et Giuseppe Tartini, la sonate Tri du diable, celle qu'on avait écoutée tout à l'heure, mais par Franz Vexé. Quelques années plus tard, donc Prioda a appris à connaître, a connu le violoniste Alma Rosé. La violoniste plutôt, puisqu'ils se sont mariés en 1930 à Vienne, et le couple a continué son activité de concert et ça se poursuit, qui s'est poursuivi séparément et conjointement. En 1935, néanmoins, le mariage a été dissous. Après un voyage en Italie, Prioda a voyagé avec la pianiste Asta Dubravska en Amérique du Sud. Une tournée américaine l'a amené à Carnegie Hall, à Chicago, dans le Détroit, et puis d'autres grandes villes, en Cleveland. Et 9 concerts ont été donnés par Prioda, dont les concertos de Beethoven en 1923. Et pendant 20 ans ensuite, il a joué à Vienne. Donc, il a été chargé des activités éducatives, axées principalement à Prague, Salzbourg, et à partir de 1951 comme professeur universitaire à l'Université de musique et d'art dramatique de Vienne. En 1954, la Westdeutscher Rundfunk de Cologne, c'est une radio publique, a enregistré un concerto pour violon, donc de Henri Vieuxtemps, avec l'orchestre symphonique de la radio de Cologne, sous la direction de Franz Marsalek, avec Vasa Prioda comme premier violon. Mais bon, en raison de problèmes médicaux et cardiaques notamment, des symptômes physiques de plus en plus, Prioda a été touché. Et donc il a donné en 1960 ses derniers concerts et il est mort d'une maladie cardiaque. Alors, il avait comme violon un Stradivarius Cremona de 1910. Qui a été donné en 1960 à la collection d'instruments de musique de Prague et qui a été joué plus tard par Joseph Suk et qui se trouve maintenant dans la collection de la Nippon Music Foundation. Il a également un Sartoriano Lorenzo Cremona de 1700, Cremona en 1781, un violon de Vincenzo Postiglione de Naples, et puis il y a un violon qui a été attribué dont on estime qu'il est de 1930, on n'en est pas encore sûr, qui serait de Matteo Goldfriller avec un coffre de Bellocio, mais là, bon, apparemment, ils n'en sont pas tout à fait certains. Avec un couvercle, oui, deck, non, enfin, je sais pas, un deck, ça doit être un couvercle. Enfin bon, après avoir tenté lamentablement de traduire ce truc écrit en schnögelpré en allemand, on va plutôt vous faire écouter donc cette romance de Tchaïkovski jouée par Vasa Prioda. J'ai pas la date exacte de l'enregistrement, mais bon, c'est assez ancien vu la qualité sonore de départ. Thank you. Et je vais en profiter là tout de suite pour vous parler du Festival Artichaut qui aura lieu du 18 au 24 octobre 2009. Il se déroulera, donc ce sera la deuxième édition de ce Festival des cultures libres pour l'agglomération lyonnaise avec la thématique de la culture par tous. Donc Artichaut a la spécificité de mettre en lumière la culture libre, un nouveau moyen d'expression et d'accès impulsé par Internet et la mise en réseau numérique. La libre circulation des œuvres, dites immatérielles, est enfin reconnue inéluctable. Une frange d'artistes et d'éditeurs, mais aussi l'ensemble des populations, choisissent d'utiliser de manière innovante ce média pour tous, en autorisant la copie, la modification et le partage de leurs œuvres. Bien sûr, on ne parle pas de partager les œuvres des autres sans leur consentement, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais il s'agit bien de partage d'œuvres lorsque l'ensemble des ayants droit l'ont autorisé. Et c'est notamment le cas justement pour la musique libre, celle qu'on fait passer habituellement dans cette émission, et puis évidemment ce qui appartient au domaine public. Donc le festival du théâtre, de la musique, du cinéma, de la danse, des temps de dialogue et d'échange autour de la création artistique à l'heure des nouvelles technologies et de projets de loi qui sont un peu controversés. Ce sont des rendez-vous multiples qui nous sont proposés afin de mieux appréhender et de comprendre les enjeux vitaux des années à venir, de découvrir l'éclectisme et les nombreux talents des artistes qui seront invités. Donc programmation, cliquez dessus pour accéder. On va voir un peu le programme. Est-ce qu'on est bien à la bonne oui, apparemment. Que je vois, oui, ça a l'air d'être la bonne année. J'avais l'impression que c'était un programme de l'année dernière, non, c'est autre chose. Donc il y a Big Buck Bunny, un film d'animation de Tone Rosendahl qui sera joué. Oui, on accède au lieu à prix libre, ça c'est marqué. Il y a l'adresse aussi, alors je vais en profiter avant d'oublier de le faire. Donc c'est le dimanche 18 octobre à 20h30, l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu à Lyon. Et c'est le métro Saxe Grand Bêta. Donc, court-métrage, donc Big Buck Bunny. Printemps soluble aussi, bande originale jouée live de Joseph Paris. Négatif de Guillaume Carrier. Et donc, et Guillaume Carrier sera là pour en parler. Et il y a également, et tout ça, il faut aller voir chez cassandre.org. Il y aura également le long-métrage Paolo Anarco de Gérald, qui a été récompensé au Festival de Cannes du film Grolandais 2008, le prix Michael Cull. Donc là, il faut aller sur paolo.anarco.free.fr. Alors, il y aura également de la danse. Donc, lundi 19 octobre à 21h, au Périscope, au 13 rue de Landine à Lyon, métro Perrache. Alors, adhésion au lieu à 1 euro, une entrée de 3 à 5 euros. Danse avec Espace Intime et la compagnie Orzaka. Donc, le voyageur est un spectateur attiré par une curiosité plus ou moins malsaine. Il semble cohérent que le public soit un voyeur inconscient, sans le choquer ni même l'effrayer. Espace Intime pousse ce dernier à prendre conscience de son inévitable statut, avec un lien vers myspace.com/CIE_OORKAZA. Théâtre Festival Artichaut le 21 octobre à 20h30 à la MJC du Vieux-Lyon, salle Léo Ferret, donc ça se trouve 5 place Saint-Jean, toujours à Lyon, et le métro Vieux-Lyon, prix libre. Texte, mise en scène et jeu, Olmo César, création, lumière et sonore, Vincent Monnery. La composition de la musique, Mathias Dubar, et donc un lien inlibroveritas.net, auteur 9347.html. La première partie, Les cheveux longs de Jésus, c'est un monologue. Deuxième partie, Franck Tableau ou de l'art d'avoir perdu la raison, la lecture d'un roman en cours. Le jeudi 22 octobre, il y aura des concerts à 12h au théâtre, au, à l'amphithéâtre culturel Campus Porte des Alpes, l'Université Lumière Lyon Dieu, Lyon 2, 5 avenue Pierre Mendès, France, 69 500 Bron. Alors tramway T2 Paris-Lille Université, et donc concert gratuit Afroworld avec Les Azo. Donc il y a le site lesazo.org. À 20h30 à MPT des Rancy, 249 rue de Vendôme, 69 003 à Lyon, métro Saxe-Gambetta, un concert avec une entrée de 3 à 5 euros, réduction jeune et précaire, folk rock avec Angel et de l'électro-folk avec Lona. Donc il y a dogmazic.net/Angel, dogmazic.net/Lona pour écouter. Vendredi 23 octobre à 22h à 5h, alors le lieu n'est pas encore confirmé, mais ce sera entrée libre, Electronics et VJ avec Atomic Dog, Dubstep Live AST, SFUSA, 369 Records avec myspace.com/AtomicDog, le Cliptotic Live Video Lyon, il y a tricycle.marsnet.org. Mr. Sushi Sou Champ, Breakbeat à Bordeaux, dogmazic.net/sushi-sou-champ, tout simplement. Exist Experimental Live Act Lyon Performance Vidéo, donc c'est myspace.com/gzzzzt. Enfin, il y a un G, 3 Z et un T. MPZ Trip Fromagère Live Act Lyon. Monster Brow South System, Tremolo Boy, Chipcore Live Act, Saint-Etienne. Alors là, c'est maxhealy.free.fr/tremolo pour écouter. Deadwood de l'industrie Electro Nice à Lyon, myspace.com/deadwoodsound. Samedi 24 octobre, à 20h30, le 6e continent, 51 rue Saint-Michel à Lyon, métro Saxe-Gambetta, un concert, donc entrée de 3 à 5 euros avec une réduction pour les jeunes et les précaires, Afro World avec Les Azo, donc lesazo.org, et puis pour Salam Masala, il n'y a pas de lien, ils l'ont oublié. Et puis un atelier le mardi 20 octobre à 19h30 avec la friche Salle Jaune, 84 avenue La Cassagne à Lyon, entrée rue des Feuillants, le métro Mon Plaisir Lumière. Donc un atelier musique assistée par ordinateur et vidéo sous Linux à 19h30, le prix libre, d'accord, mais quand même une inscription. Ça est. Donc ça c'était donc pour ce qui est du festival Artichaut, festival qu'il ne faut pas manquer. Donc là il est 17h41, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre un... on va tout simplement changer de passer de la première à la deuxième partie de cette émission. La première partie de l'émission était sous licence art libre. Thank you.